Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brayer-Retaux. Markem d'anarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 9. La compassion de Marie. Nous nous sommes tenus d'abord sur le rivage des douleurs de Marie, et nous les avons contemplées comme un seul vaste océan. Nous avons ensuite sondé les uns après les autres les sept abîmes de cet océan, que l'Église a choisi et offert à nos regards. Nous allons maintenant considérer ces douleurs comme se réunissant pour n'en faire qu'une seule, et comme elles ont versé leurs eaux, après avoir passé par le détroit du calvaire, dans l'océan plus vaste du précieux sang. Ce point de vue particulier est appelé la compassion de Marie, qui, bien comprise, renferme cette grave question théologique, et qui, d'ailleurs, est tout à fait nécessaire pour rendre notre dévotion aux douleurs réelles et profondes. Il y a en effet pour nous cette question à considérer, le but divin de la compassion de Marie. La nature elle est très caractéristique de cette compassion, quels en furent les effets réels. La relation qu'a notre propre compassion avec celle de Marie, la comparaison de la passion avec la compassion, l'excès apparent de la compassion sur la passion, et enfin la mesure et les dimensions de la compassion. But divin de la compassion de Marie. En premier lieu, nous avons à considérer le but divin de la compassion de Marie. Il est douteux que nous puissions jamais rien regarder comme un simple ornement dans les œuvres de Dieu. Il y a dans l'idée de simple ornement quelque chose d'opposé, ce semble, à l'actuaire de Dieu, à la magnificence de sa simplicité, à son adorable réalité. La supposition que les douleurs de la Sainte Vierge ne sont qu'un ornement pathétique de plus à ajouter à l'incarnation, même dans le pieux dessein à accroître notre amour, renfermerait encore d'autres questions sur le caractère et les perfections de Dieu, sur sa tendresse envers ses créatures, et sur le sens miséricordieux qui se trouve dans chaque peine et dans chaque affliction par tout l'univers. Il n'est pas facile de voir comment celui qui considérerait de cette même manière les afflictions de la Sainte Vierge pourrait se justifier contre l'accusation de la plus grande irrévérence ou même d'un blasphème implicite. Dans ces afflictions, Dieu avait certainement un dessein. Il en a un dans tout ce qu'il ordonne, mais son dessein dans une circonstance de l'incarnation, aussi remarquable que la destinée ineffablement douloureuse de sa mère, doit avoir été proportionnée à la grandeur du mystère lui-même, et à celle du mystère plus grand dont cette destinée est une partie. La destinée de Marie ne peut avoir été un simple sujet de pathétique. Dieu n'aurait pu faire souffrir le martyr à une de ses créatures, uniquement pour entourer d'une auréole poétique la réalité frappante du calvaire. Cette destinée ne pouvait pas être non plus simplement une leçon pour nous, car une grande partie de la compassion de Marie est non seulement inimitable, et par conséquent au-delà de notre portée, mais aussi incompréhensible pour nous, et, par conséquent, elle surpasse notre intelligence. Il est vrai que la compassion nous donne plusieurs leçons, parce que tout ce que fait Dieu renferme un enseignement, mais cela diffère de la simple intention qu'aurait eu Dieu de faire d'un mystère une leçon pour nous. La compassion de Marie ne peut avoir eu non plus pour but unique sa propre sanctification, quoique sans doute ce dessein y soit entré pour une grande part. Marie était devenue mère de Dieu avant le commencement de ses douleurs, qui furent une conséquence de sa maternité divine, mais non une préparation. Elles la sanctifièrent. Elles furent, en effet, dans un sens spécial, les moyens de sanctification d'une créature qui, étant sans péché, ne pouvait être sanctifiée comme les saints l'ont été, par la lutte contre leurs mauvais penchants, ou par la tentation intérieure. Mais il est difficile de contempler ces douleurs avec quelque soin, et de croire que là se bornèrent les desseins de Dieu à leur égard. Nous espérons qu'elles ont eu lieu dans un dessein plus profond et plus divin, un dessein plus étroitement lié à tout le plan de l'incarnation, et nous pouvons être certains qu'un tel dessein existe, même quand nous ne pourrions le découvrir. Si donc nous rejetons comme fausses et indignes toutes les manières de considérer la compassion, que nous venons de mentionner, et si nous les regardons comme en désaccord avec les faits qu'il s'agit d'expliquer, d'un autre côté ne devons-nous pas supposer que la compassion de la Sainte Vierge fut une partie de la rédemption du monde, que, par sa compassion, Marie mérita le salut des âmes et expia le péché? Un grand nombre d'écrivains se sont servis d'un langage qui ne semble pas impliquer moins que cela. Des saints et des docteurs se sont accordés à appeler la Sainte Vierge corédentrice du monde. Nul doute qu'on ne puisse légitimement se servir d'un tel langage, lorsqu'il y a une autorité si puissante pour le faire. La question consiste dans le sens qu'on doit y attacher. Est-ce simplement l'hyperbole du panégyrique, l'exagération affectueuse de la dévotion, le langage nécessaire d'une vraie intelligence de Marie qui trouve le langage ordinaire insuffisant pour exprimer toute la vérité? Ou l'expression de corédentrice est-elle littéralement vraie et d'une exactitude rigoureusement théologique? C'est là une question qui s'est présentée à la plupart des esprits, comme liée à la dévotion à notre Sainte Mère, et il y a peu de questions auxquelles plus de réponses vagues et insuffisantes aient été faites qu'à celle-ci. D'un côté, il semble téméraire d'affirmer que le langage dont se sont servis à la fois des saints et des docteurs, n'est que de l'exagération et de l'hyperbole, une phraséologie fleurie destinée à nous émouvoir, sans renfermer d'ailleurs aucun sens réel. D'un autre côté, qui peut douter que notre Seigneur ne soit le seul Rédempteur du monde, que son précieux sang ne soit la rançon unique du monde, et que Marie elle-même, quoique d'une manière différente, n'eut besoin de la rédemption aussi bien que nous, et n'en ait reçu le bienfait d'une manière plus abondante et plus magnifique dans le mystère de son Immaculée Conception? Ainsi, dans l'étendue littérale du sens de cette expression, il paraîtrait que le terme de corédentrice n'est pas théologiquement vrai, ou du moins n'exprime pas la vérité qu'il renferme certainement avec une exactitude théologique. Nous sommes partagés entre le désir d'attribuer plus de grandeur à notre Sainte Mère, l'autorité des saints et des docteurs, et les décisions suprêmes et souveraines d'une saine théologie. Nous sommes disposés à nous abstenir d'affirmer que le langage des saints n'a pas de sens et qu'il est inadmissible, et en même temps nous sommes certains que la Sainte Vierge n'est pas la corédentrice du monde, dans le sens qu'elle serait strictement une autre rédemptrice, dans le sens indivisible dans lequel notre Seigneur est le Rédempteur du monde. Elle est corédentrice dans le sens de ce mot composé. Mais nous ne vivons pas dans un temps où nous devions employer des termes dont nous n'avons pas déterminé distinctement le sens réel. Aussi, tandis qu'il serait triste de tenter de priver Marie d'un titre que des saints et des docteurs lui ont conféré, puisque nous vivons dans des jours où l'accroissement de la dévotion à notre Sainte Mère est notre présage le plus sûr d'un avenir meilleur, en même temps il est important pour nous, même au point de vue de la dévotion, de savoir ce que nous entendons par un titre qui nous présente certainement une vérité réelle, et une vérité qu'il ne serait guère facile d'exprimer autrement. Peut-être les conclusions suivantes peuvent-elles être acceptées comme vraies, et comme, tout en exprimant la vérité, évitant les deux alternatives quelque peu violentes de censurer les saints, ou de porter atteinte aux prérogatives de notre Seigneur. Premièrement, notre Seigneur est le seul Rédempteur du monde dans le sens propre et véritable de ce mot. Dans ce sens, nulle créature, quelle qu'elle soit, ne partage cet honneur avec lui, et il ne peut être dit de lui sans impiété qu'il soit co-rédempteur avec Marie. Secondement, dans un sens secondaire et dépendant, et par participation, tous les élus coopèrent avec notre Seigneur à la rédemption du monde. Troisièmement, dans le même sens, mais à un degré dont nul autre n'approche, la Sainte Vierge coopéra avec notre Seigneur à la rédemption du monde. Quatrièmement, en outre, et indépendamment de ses douleurs, Marie coopéra à la rédemption du monde dans un sens et d'une manière telle, qu'aucune autre créature ne l'a fait ou ne l'a pu faire. Cinquièmement, de plus, par ses douleurs, elle coopéra à la rédemption du monde d'une manière particulière, distinctant de la coopération ordinaire des élus que du genre spécial de coopération qui lui est propre en dehors de ses douleurs. Ces cinq propositions semblent placer toute la question sous un jour assez clair. Il ne paraît pas nécessaire de parler de la première. La foi nous fait assez connaître que notre Seigneur seul racheta le monde. Ses élus coopérèrent avec lui dans cette œuvre, comme ses membres. Ils sont devenus ses membres par la grâce de la rédemption, c'est-à-dire par l'application à leurs âmes de la seule rédemption de notre Seigneur. Par ses mérites, ils ont acquis la capacité de mériter. Les œuvres des élus peuvent satisfaire pour le péché, pour les péchés des autres aussi bien que pour les leurs, par leur union avec les œuvres de notre Seigneur. Ainsi, pour nous servir du langage de saint Paul, par leur souffrance sanctifiée ou par leur pénitence volontaire, ils suppléèrent dans leur corps ce qui manquait aux souffrances du Christ, pour l'amour de son corps, qui est l'Église. Ainsi, par la communion des saints dans leur tête, Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption se poursuit perpétuellement par l'accomplissement et l'application de la rédemption effectuée sur la croix par notre Seigneur. Ce n'est pas une coopération figurée et symbolique, mais une coopération réelle et substantielle des élus avec notre Rédempteur. Il y a un sens vrai et secondaire dans lequel les élus méritent le salut des âmes des autres, et dans lequel ils expient le péché et en détournent le jugement de Dieu. Mais, pour les élus, cela n'a lieu que par permission, par adoption divine, par participation et en subordination à la rédemption unique et complète de Jésus-Christ. Mais la sainteté de tous les saints réunis n'approche même pas de la sainteté de Marie. Comparée au mérite des saints, ceux de Marie ont une sorte d'infinité. Leurs martyrs et leurs douleurs ne sont guère plus que des ombres, si on les place à côté des siens. Ainsi, dans le sens de leur coopération, elle les outrepasse à un degré incommensurable, de sorte que sa coopération avec notre Seigneur place la leur dans l'ombre. Pour cette raison, elle pourrait être appelée corédentrice avec une vérité qui serait bien moins applicable aux saints. Mais ce n'est pas tout. Elle coopéra avec notre Seigneur à la rédemption du monde, dans un sens tout à fait différent, dans un sens qui, à l'égard des saints, ne put jamais être vrai que dans un sens figuré. Le libre consentement de la Sainte Vierge était nécessaire à l'incarnation, aussi nécessaire que la libre volonté l'est pour mériter conformément au conseil de Dieu. Elle donna le sang pur dont le Saint-Esprit forma sa chair, ses os et son sang. Elle le porta dans son sein pendant 9 mois, le nourrissant de sa propre substance. Il naquit d'elle et lui dut tous ses soins maternels qui, suivant les lois ordinaires, étaient nécessaires pour la conservation de sa vie inestimable. Marie exerça sur lui la plénitude de la juridiction d'une mère. Elle consentit à sa passion, et si elle n'eût pu, en réalité, retenir son consentement, parce qu'il était déjà compris dans son consentement originel à l'incarnation, néanmoins, en fait, elle ne le retint pas, et, ainsi, Jésus alla au calvaire comme l'offrande libre et volontaire que Marie faisait au Père. Or, ceci est une coopération dans un sens différent du premier, et, si nous comparons cette coopération à celle des saints à leur propre coopération dans laquelle Marie elle-même les surpasse à seule tous, nous verrons que cette autre coopération particulière de Marie était indispensable à la rédemption du monde, comme effectuée sur la croix. Les âmes pouvaient être sauvées sans la coopération des saints. L'âme du larron pénitent fut sauvée sans autre coopération que celle de Marie, et, si notre Seigneur l'eût voulu ainsi, aurait pu être sauvé, même sans cette coopération. Mais la coopération de la maternité divine était indispensable. Sans elle, notre Seigneur n'aurait pu naître quand il naquit, ni comme il le fit. Il n'aurait pas eu ce corps dans lequel il put souffrir. La série entière des desseins divins aurait été détournée ou frustrée, ou conduite dans un autre canal. Ce fut au moyen de la libre volonté de Marie et du consentement plein d'amour qu'elle y donna, que les desseins divins suivirent un cours conforme à la volonté de Dieu. Bethléem, Nazareth et le calvaire vinrent du consentement de Marie, consentement que Dieu ne la contraignit en aucune manière d'accorder. Non seulement la coopération des saints n'est pas en elle-même indispensable, mais aucun saint n'est, par lui-même, indispensable à cette coopération. Un autre apôtre aurait pu tomber, la moitié des martyrs auraient pu sacrifier aux idoles, les saints auraient pu, dans chaque siècle, être un tiers moins nombreux qu'ils ne le furent, et cependant la coopération des saints n'aurait pas été anéantie, quoique la magnificence en eût été diminuée. L'existence de cette coopération dépend du corps, et non des individus séparés. On ne pourrait citer aucun saint, si ce n'est peut-être, en un certain sens, Saint Pierre, qui fut nécessaire à l'œuvre, si nécessaire que sans lui l'œuvre n'eût pu être accomplie. Mais dans cette coopération de Marie, elle-même était indispensable. Enfin, la coopération de Marie fut d'une nature tout à fait différente de celle des saints. Leur coopération ne fut que la continuation et l'application d'une rédemption suffisante déjà accomplie, tandis que la sienne fut une condition nécessaire à l'accomplissement de cette rédemption. L'une était la simple conséquence d'un événement dont l'autre assura les effets, et qui ne devint un événement qu'au moyen de cette coopération. Il résulte de là que la coopération de Marie était plus réelle, plus présente, plus intime, plus personnelle et renfermait plus de ce qui tenait de la nature d'une cause, qu'on ne pourrait en aucune manière le dire de la coopération des saints. Tout cela est vrai de la coopération de Marie, sans aucune relation avec ses douleurs. Mais les douleurs de Marie furent par elles-mêmes une autre coopération encore plus particulière. L'incarnation aurait pu avoir lieu sans les mystères d'affliction, et même s'il n'y avait pas eu de péché, elle aurait eu lieu dans une chair glorieuse et impassible. Elle aurait eu lieu dans la même mère avec une destinée différente, une destinée de joie aussi merveilleuse et aussi inexplicable que le fut en réalité la destinée d'affliction de Marie. Les joies de Marie sont comme les éclats de lumière d'un autre système de décrets divins qui n'était pas entièrement obscurci par le nouvel ordre de choses, et c'est là leur caractère particulier. Elles sont les signes d'un mystère existant dans l'Esprit de Dieu, mais qui, pour nous, n'est rien de plus qu'un monde possible, ou plutôt qu'un monde auquel notre péché n'a pas permis de se réaliser. Ainsi, il est impossible de séparer les douleurs de Marie de sa maternité divine. Elles en découlent comme une conséquence aussi nécessaire que, dans le conseil divin et indépendant, l'incarnation d'ignominie et de souffrance, résultat de la nécessité d'expier le péché. Les afflictions de Marie furent causées par celles de Jésus, avec lesquelles elles furent mêlées d'une manière pour ainsi dire inextricable. Elles vinrent de la même source, elles conduisirent dans les mêmes abîmes, elles furent liées aux mêmes circonstances. Les afflictions de Jésus et celles de Marie ne furent qu'une seule affliction qui faisait souffrir deux cœurs. En outre, comme nous le verrons plus tard, il y eut entre les souffrances de Jésus et celles de Marie un grand nombre de points particuliers, non seulement de ressemblance frappante, mais d'union actuelle. Cependant, quoique nous ne puissions séparer, en fait, les douleurs de Marie de la maternité peut absolument se concevoir sans les douleurs, et la coopération de cette maternité avec notre Seigneur dépend d'autre chose que les douleurs, deux choses auxquelles les douleurs ne sont nullement indispensables. Ainsi, de la même manière, ou plutôt comme une conséquence, la coopération des douleurs de Marie fut distincte de celle de la maternité, et eut un caractère propre. Ainsi, Marie a trois droits distincts au titre de corédentrice. Elle y a d'abord un premier droit à cause de sa coopération avec notre Seigneur, dans le même sens que les saints, mais à un degré singulier et superlatif. Elle y a un second droit qui lui est particulier, à cause de la coopération indispensable de la maternité. Elle y a un troisième droit, à cause de ses douleurs, pour des raisons que nous verrons bientôt. Ces deux derniers droits ne sont partagés par aucune autre créature, ni par toutes les créatures prises collectivement. Ils appartiennent à la magnificence incomparable de la Mère de Dieu. Plus d'une fois, durant le cours de nos investigations dans les douleurs de la Sainte Vierge, nous avons eu le privilège de monter sur quelque nouvelle hauteur d'où une nouvelle perspective de sa grandeur se présentait à nous. Comme les grands sommets des chaînes des Alpes, des Andes, ou de l'Himalaya, chaque nouvel aspect de la gloire de Marie paraît plus grand que les autres. Il en est, en effet, de la grandeur de Marie, comme du spectacle sublime des montagnes, dont notre esprit ne peut emporter tout le grandiose avec lui. Nous le voyons et nous l'apprécions au moment même où nous la contemplons, mais lorsque nous nous éloignons, l'image qui en reste dans notre esprit est moindre que la réalité, et lorsque nous revoyons les mêmes images, de quelque côté que nous les contemplions, elles nous paraissent plus grandes qu'elles ne nous l'avaient paru auparavant, parce qu'elles dépassent l'idée qui en est restée dans notre esprit. Il en est ainsi de la Sainte Vierge. Du moment que nous cessons d'arrêter nos regards sur elle dans nos profondes méditations, l'idée que nous en avons est moindre qu'elle ne devrait être. Nous ne lui rendons jamais justice, si ce n'est quand nous la contemplons. Peut-être en est-il ainsi de toutes les grandes œuvres de Dieu, comme nous savons qu'il en est ainsi de Dieu lui-même. De là résulte que nous entendons si souvent des objections faites même par de pieux croyants, à ce qu'on raconte de la gloire de Marie. Leurs regards ne sont pas dirigés sur elle, et c'est pourquoi ce qu'on dit d'elle paraît incroyable, parce que l'idée qu'on se fait de ces exagérations supposées est proportionnée à l'impression que l'on a d'avance dans l'esprit. Ces personnes croient plus de choses au sujet de Marie, et les croient plus promptement, lorsque ces fêtes reviennent, car alors leurs regards sont dirigés sur elle, et leurs idées de son immensité sont plus justes. Ce qui rend Marie le plus semblable à Dieu, c'est qu'elle doit être étudiée pour être comprise, et qu'il faut la placer devant nos yeux, parce que notre mémoire n'est pas assez vaste pour contenir ses immenses proportions, lorsqu'elle est hors de vue. La coopération de la Sainte Vierge est donc un de ces sommets qui nous présente un nouvel aspect de sa magnificence. C'est le plus grand privilège de la créature, que d'être associée au travail du Créateur, de même que ce sera notre félicité d'être associée à son repos éternel. Mais que dirons-nous d'une coopération avec Dieu dans une œuvre telle que la rédemption du monde, d'une coopération à cette rédemption, avec une telle efficacité, une telle intimité, une telle réalité, bien plus, d'une coopération tout à fait indispensable à l'accomplissement de cette rédemption? Quelle idée de sainteté incommensurable une telle coopération ne nous présente-t-elle pas? Quel don et quelle grâce ne présuppose-t-elle pas? Quelle union merveilleuse avec Dieu n'implique-t-elle pas? Il semble qu'il ait daigné choisir en lui les choses qui sont le plus incommunicables pour les communiquer à Marie d'une manière réelle et mystérieuse. Il semblerait que même pour les choses dans lesquelles il demeure seul et unique, il l'ait attiré si près de lui, qu'il ne semble plus y être solitaire en sa société. Voyez comme il l'a déjà mêlée aux desseins éternels de l'univers dont il la rend presque cause et type partielle. Cela, cependant, tout en expliquant la part de Marie dans la rédemption, ne rend pas la coopération de Marie moins merveilleuse. Les œuvres divines deviennent plus merveilleuses à nos yeux à mesure que nous en discernons mieux l'harmonie et l'unité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que les saints aient cherché à créer un mot hardi et étonnant pour exprimer dans une créature une grandeur aussi indescriptible que celle qui est renfermée dans cette triple coopération de Marie dans la rédemption du monde. Notre Seigneur a revêtu une créature créée afin de pouvoir par là accomplir cette grande œuvre. Ainsi il a semblé que l'honneur le plus grand et l'union la plus étroite d'une créature sans péché avec lui-même, et pu s'exprimer par le titre de corédentrice. En effet, il n'y a pas d'autre mot simple par lequel la vérité puisse être exprimée, et la coopération de Marie, bien éloignée de la rédemption unique et suffisante de Dieu, demeure unique et à distance de toute la coopération des élus de Dieu. Il en est de la coopération de Marie comme de plusieurs autres de ses prérogatives, il ne suffit pas de la mentionner simplement pour lui rendre justice, il faut nous l'approprier par la méditation avant de pouvoir comprendre tout ce qu'elle renferme. Mais, ni l'Immaculée Conception, ni l'Assomption ne nous donneront une plus haute idée de l'exaltation de Marie que ce titre de corédentrice, quand nous en aurons déterminé la signification d'une manière théologique. Marie est vaste de toutes parts, et, à mesure que notre connaissance et notre appréciation de Dieu s'accroîtront, en même temps s'accroîtront aussi notre connaissance et notre appréciation de sa créature choisie. Nul ne pense indignement de Marie, si ce n'est parce qu'il pense indignement de Dieu. La dévotion aux attributs de Dieu est la meilleure école dans laquelle on puisse apprendre la théologie de Marie, et la récompense de l'étude que nous faisons de Marie consiste dans 1000 nouvelles échappées qui nous sont ouvertes dans les perfections divines dans lesquelles, excepté des hauteurs de Marie, nos regards n'auraient jamais pu pénétrer. Quelle est donc la place qu'occupe dans les desseins de Dieu la compassion de la Sainte Vierge? La grandeur de la coopération de Marie répond en grande partie à cette question. Ses douleurs n'étaient pas nécessaires à la rédemption du monde, mais dans les conseils de Dieu, Elles en étaient inséparables. Elles appartiennent à l'intégrité du plan divin, et elles remplissent sans doute de nombreuses fonctions que nous sommes incapables de comprendre, et que peut-être même nous ne soupçonnons pas. Conformément au décret de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour le péché. Une seule des larmes de l'enfance de notre Seigneur avait en effet assez de prix, d'humiliation, de mérite et de satisfaction pour racheter les péchés de tous les mondes possibles. Cependant, en fait, nous n'avons pas été rachetés par ses larmes, mais seulement par son sang. De là il résulte que Bethléem n'était pas nécessaire à notre salut ni l'adoration des trois mages, ni la présentation dans le temple, ni la fuite en Égypte, ni la discussion avec les docteurs. Nazareth n'était pas nécessaire à notre salut, avec tous les beaux mystères de ses 18 années de la vie cachée. Le ministère public, avec ses 3 années de miracles, de paraboles, de sermons, de conversion et de vocation des apôtres, n'était pas nécessaire à notre salut. Et même notre Seigneur aurait pu souffrir étant enfant, ou il eût pu, comme Adam, venir immédiatement dans toute sa croissance, et simplement souffrir aussitôt la mort. Son sang était tout ce qui était absolument nécessaire. Mais Bethléem, Nazareth et la Galilée appartenaient à l'intégrité du plan divin. Elles étaient, non seulement en harmonie avec les autres parties de ce plan, non seulement pleines de beauté, de sens et d'enseignement, mais il s'y trouve des mystères plus profonds et une réalité plus divine, simplement parce qu'il entrait dans les desseins de Dieu qu'il en fut ainsi. Toutes les œuvres de Dieu participent en leur degré de ses perfections, à quel degré les mystères des 33 années ne doivent-ils donc pas participer de ses perfections? La création du monde ne fut, pour ainsi dire, rien comparé à la cosmogonie spirituelle de ces 33 années, si ce n'est qu'elles y trouvèrent leurs racines. Personne ne songerait à regarder d'une manière peu respectueuse les mystères de la sainte enfance de notre Seigneur, par la raison que ces mystères ne nous ont point rachetés. Ils sont une partie d'un tout divin. Nous ne savons pas ce qui serait arrivé, ni ce que nous aurions perdu, ni quelles conséquences éternelles auraient pu arriver sans ces mystères. Il en est ainsi des douleurs de la Sainte Vierge. Sa maternité était indispensable à la Passion. Il ne nous paraît pas que ces douleurs l'aient été, mais elles étaient, dans les circonstances de la chute, une conséquence inévitable de sa maternité. Elles prennent place parmi les mystères de l'Évangile, et vont de pair avec les mystères de Bethléem et de Nazareth, non peut-être par leur importance intrinsèque, mais par leur relation avec la rédemption du monde. On peut même nous permettre de dire que par leur importance intrinsèque ces mystères peuvent être comparés avec quelques-uns des mystères particuliers de notre Seigneur. Car est-il tout à fait clair que les mystères de Jésus et de Marie puissent se diviser de cette manière? Les mystères de Jésus ne sont-ils pas ceux de Marie, et les mystères de Marie ne sont-ils pas ceux de Jésus? L'Immaculée Conception n'est-elle pas une gloire de la grâce de rédemption? La purification de Marie n'est-elle pas autant le mystère de Jésus que sa propre présentation? Et en ce qui concerne les douleurs de Marie, l'union de la Mère et du Fils est plus grande que dans aucun autre mystère. Jésus lui-même est la douleur de Marie cette fois répétée, cette fois modifiée, cette fois agrandie. Suivant notre croyance, les douleurs de la Sainte Vierge se placent bien au parmi les mystères divins, et s'y trouvent dans un ordre de privilège plus élevé qu'on ne le soupçonne communément. Mais, dans tous les cas, en tant qu'il s'agit de leur relation avec la rédemption du monde, Ils ne sont pas plus éloignés de cette rédemption que les mystères non sanglants de Jésus, ils en sont même peut-être plus rapprochés, à cause du caractère immédiat de leur liaison. La vérité paraît être que tous les mystères de Jésus et ceux de Marie n'étaient dans les desseins de Dieu qu'un seul mystère. Nous ne pouvons le briser, le diviser, le morceler, ni classer l'importance de ses beautés nombreuses. C'est là une tâche au-delà de notre science. Qui pourrait douter qu'il ne soit vrai de dire qu'un grand nombre d'âmes, qui sont maintenant sauvées, auraient été perdues sans les douleurs de Marie, et cela, quoique ces douleurs n'aient pas avec nous la même relation que la passion de notre Seigneur, même dans leur degré subordonné? La période des 33 années, et les cœurs de Jésus et de Marie, dans tous les mystères de ces années, sont tous saturés des teintes de la passion, cependant, en dehors de la passion elle-même, où les couleurs sont-elles plus vives et les traits plus animés que dans les douleurs de la mère. La compassion de Marie était la passion de Jésus, pour ainsi dire, sentie et devenue réelle dans le cœur de sa mère. L'examen de ce sujet conduit-il donc à cette seule conclusion que la passion était nécessaire, et que la compassion ne l'était pas? Qui oserait le dire? Qui oserait dire que la vie cachée de Nazareth n'était pas nécessaire? À coup sûr, il est d'un grand sens de regarder toutes les parties composantes d'une œuvre divine comme nécessaires, car Dieu n'est pas un artisan tel que l'homme. Si nous nous appuyons simplement sur la doctrine que ce fut précisément par l'effusion du sang que notre rédemption fut accomplie, alors ne peut-on pas dire que dans la passion elle-même il y avait beaucoup de choses qui n'étaient nullement nécessaires? Il s'y trouva l'agonie mentale, l'ignominie publique, les variétés de la torture corporelle, les insultes, la lassitude, la soif, la crainte, l'abandonnement sur la croix. Dans le sens dont nous venons de parler, aucune de ces choses n'était nécessaire à notre rédemption. Même, à l'égard de l'effusion du sang, une seule goutte eût suffi, pourquoi fut-il répandu en entier? Pourquoi la sueur, la flagellation, le couronnement, l'enlèvement violent des vêtements, le coup de lance après la mort? La profusion de l'infini n'était sans doute pas nécessaire dans notre sens de ce mot. Or, ces mystères sont précisément ceux parmi lesquels nous devons placer les douleurs de Marie. Ils appartiennent à la classe de ce que nous appelons les souffrances non nécessaires de la passion. Et ces souffrances furent en effet littéralement les souffrances non nécessaires de notre Seigneur, car les afflictions de Marie ne furent-elles pas les instruments de beaucoup les plus cruels de la passion de notre Seigneur? La coopération de Marie avec la passion, au moyen de ses douleurs, manque certainement de cette nécessité indispensable qui caractérise la coopération de sa maternité. Mais ce manque de nécessité est beaucoup plus que compensé par la patience héroïque de Marie à endurer ses souffrances, par la source toujours abondante de sa libre et prompte volonté, par ses afflictions pures et désintéressées, et par les rapports intimes de cette coopération avec la croix du Christ. Dans sa maternité, Marie eut de la joie aussi bien que de la douleur, et une dignité sans exemple. Elle y donna son consentement une fois pour toutes, et la coopération de sa maternité avec la passion fut plus matérielle que formelle. Cette seconde coopération de ses douleurs renferma une plus grande dépense de sa personne et plus de similitude avec son fils, elle lui coûta davantage, et l'absence même de nécessité rendait le sacrifice plus généreux et plus merveilleux. La maternité était liée directement à l'incarnation comme incarnation. Ses douleurs se rattachèrent à l'incarnation comme faisant partie de la rédemption.